Étienne chancelle de ses idées rythmiques. Dans sa jungle de mots, il nous entraîne. De lui-même, j'aime ses actes logoriques. Il ferait de sa mort une histoire incertaine. Monsieur sème ses graines comme rêvent les amants, s'accablant de désirs schizophrènes. Je suis celle de trop, je crois, pour le moment. Vu son temps, quand ce sera bon, je serai vieille. Monsieur Ken poursuit une sorte de mission. Il dit non par un non-sens du regard, qu'il ne tient que si l'alcool est en action, ou si son cœur lui tombe sous un bar. Semblerait-il que j'ai fait une confusion sur un flirt un jour de non-rencard. Bien que je sente sur moi une possible attention, ce bouffon de Ken ne m'a pas en mémoire. Enfile sa bouche, rêve d'étreinte entre deux guerres, se réalise près de sa souche. C'est ainsi que j'ai compris, conclu que son avis est dû au vin. J'y viens, ce fut si court pour rien, j'étais si nu.